j'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004, celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer, celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser, celle de gens qui savent s'aimer, de gens qui, sans le savoir, parfois sans même me connaître, m'ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel, troisième épisode. Allô ? J'ai trouvé l'appartement où nous habitons aujourd'hui 2 semaines après notre retour à Paris. Quelques jours plus tard, le bail signé, nous le visitions avec un artisan polonais recruté pour les peintures et la réfection de la cuisine quand le portable d'Hélène a sonné. Elle a dit oui, écouté quelques instants en silence, puis elle est passée dans la pièce voisine. Quand le polonais et moi l'y avons retrouvée, elle avait les yeux pleins de larmes, son menton tremblait. Son père venait de lui annoncer que sa sœur Juliette avait de nouveau un cancer, du sein cette fois, avec des métastases dans les poumons. Nous sommes allés la voir, un week-end du mois de février, au début de sa chimiothérapie. Sachant qu'elle allait perdre ses cheveux, elle avait demandé à Hélène de lui acheter une perruque, et Hélène avait couru les magasins spécialisés pour trouver la plus belle possible. Elle avait acheté aussi des robes pour ses 3 nièces. Tout ce qui dans la famille relève de la coquetterie, de l'élégance et du paraître est le domaine d'Hélène. Ce n'était visiblement pas celui de Juliette et de son mari, qui habitaient un pavillon moderne dans un village sans charme, mi-campagne, mi-banlieue. J'ai vu une jeune femme épuisée, amaigrie, qui ne se levait plus de son fauteuil, un mari élancé, doux, beau, un peu lunaire, et 3 petites filles vraiment ravissantes, dont l'aînée, qui avait 7 ans, dessinait avec beaucoup de soin et une sûreté de traits étonnante pour son âge, des cahiers entiers de princesses coiffées de pierres précieuses et vêtues de robes d'apparat. Elle suivait avec le même sérieux des cours de danse, et je l'ai fait rire en improvisant avec elle des espèces d'entrechats balourds sur la musique du lac des cygnes. Mis à part cette singerie bienvenue, un mélange de paresse et d'embarras m'a fait rester en retrait de la conversation, que la faiblesse de Juliette rendait de toute façon languissante. C'était l'hiver, on a allumé tôt les lampes, l'après-midi se traînait. J'ai inspecté, comme je le fais toujours quand j'arrive quelque part, les rayons de la petite bibliothèque, composée de manuels pratiques, d'albums pour enfants, d'essais grand public sur la justice et la bioéthique, de quelques romans qu'on achète comme on prend l'autoroute. Dans cet échantillonnage, à mes yeux déprimant, j'ai déniché un livre plus solitaire, un récit d'un auteur que j'aime beaucoup, Béatrix Beck. Ce récit s'appelle « Plus loin, mais où ?». En le parcourant, je suis tombé sur une phrase qui m'a fait rire, que j'ai lue à la cantonade. « Ça fait toujours plaisir, une visite, si ce n'est pas à l'arrivée, c'est au départ. » Juliette ne tenait pas à ce que nous revenions trop vite. Pas avant qu'elle soit remise de la chimiothérapie. 2 mois ont passé, au cours desquels Hélène et elle ne se sont parlé qu'au téléphone. Juliette était plutôt du genre à rassurer ses proches qu'à les inquiéter. Quand Hélène proposait de venir, elle disait « Attendez un peu, attendez qu'il fasse beau. On sera dans le jardin, ce sera plus agréable. Et puis, pour le moment, je suis trop fatiguée. » Ces conversations déchiraient Hélène. Elle disait avec une sorte de stupeur « Ma petite sœur va mourir. Dans 6 mois, dans 1 an. Mais c'est sûr, elle va mourir. » Je la serrais dans mes bras, je serrais son visage entre mes mains, je disais « Je suis là. » Et c'est vrai, j'étais là. Je me souvenais qu'à peine 1 an plus tôt, l'aînée de mes sœurs à moi avait failli mourir, et la cadette aussi, longtemps auparavant. Ces souvenirs m'aidaient à éprouver un peu ce qu'elle éprouvait, à être un peu plus avec elle. Mais sauf dans ces moments où elle m'en parlait, ou quand, sans qu'elle m'en parle, je voyais qu'elle avait pleuré, la vérité est que je n'y pensais guère. À cette menace près, notre vie était gaie. Pour célébrer notre emménagement, nous avons donné une grande fête. Et plusieurs semaines après, tous nos amis nous ont répété que des fêtes aussi joyeuses, il n'y en avait pas souvent. J'étais fier de la beauté d'Hélène, de son ironie, de son indulgence. J'aimais, sans le redouter, son fond de mélancolie. Le film que j'avais tourné l'été précédent allait être présenté au Festival de Cannes. Je me sentais brillant, important. Et cette semi-belle-sœur cancéreuse dans sa petite maison au fond de son patelin de province, cela me faisait de la peine, bien sûr, mais c'était loin. Cette vie qui s'éteignait n'avait rien à voir avec ma vie à moi, où tout semblait s'ouvrir, se déployer. Ce qui m'ennuyait le plus, c'est que cela minait Hélène et me retenait un peu, très peu à vrai dire, de donner devant elle libre cours à l'euphorie légèrement mégalomane qui m'a soulevé tout ce printemps-là. Entre Cannes et la sortie du film, il y avait encore une station sur le chemin qui me conduisait vers la gloire. C'était un autre festival, à Yokohama. Je voyagerais en classe affaires. Il y aurait le gratin du cinéma français. Je me voyais déjà fêter en japonais. Comme Hélène travaillait, elle ne pouvait m'y accompagner, mais elle avait projeté, en mon absence, de faire enfin un saut à Vienne. Juliette disait aller un peu mieux. Il ferait beau, on pourrait se tenir dans le jardin. Je devais partir le lundi, et le vendredi, j'ai enregistré la voix off d'un documentaire que j'avais tourné avec un ami au Kenya. Je faisais beaucoup de choses à ce moment-là, et j'avais l'impression que je n'arrêterais plus. Camille, ma monteuse, et moi sommes sortis du studio très contents de notre après-midi et de nous-mêmes. Nous sommes allés boire un verre à une terrasse. J'ai tapé une cigarette à une fille à la table voisine. Elle a plaisanté. J'ai plaisanté. Camille, qui est toujours bon public pour moi, a ri de bon cœur. Et à ce moment-là, mon portable a sonné. C'était Hélène. Elle appelait de la télévision. Elle partait à la gare de Lyon sans repasser par la maison. Juliette était en train de mourir. Ses parents nous attendaient à la gare de Perrache. Hélène et moi sommes montés à l'arrière et j'ai eu l'impression que les choses reprenaient un cours perdu depuis très longtemps. Les parents devant, les enfants derrière. La route jusqu'à l'hôpital de Lyon-Sud a été assez longue. Juliette était au service de réanimation. Hélène et ses parents sont entrés dans la chambre. J'ai voulu rester sur le seuil, mais Hélène m'a fait signe de la suivre, de rester derrière elle, tout près, tandis qu'elle s'approchait de sa sœur et prenait sa main percée par l'aiguille de la perfusion. À son contact, Juliette, qui gisait immobile, la tête renversée en arrière, s'est légèrement tournée dans sa direction. Ses poumons ne fonctionnaient presque plus. Tout ce qui lui restait d'énergie était mobilisé par l'acte, devenu effroyablement difficile, de respirer. Elle n'avait plus de cheveux. Son visage était émacié et cireux. Ses parents et sa sœur lui ont parlé, tous les trois, sans qu'elle puisse leur répondre. Mais elle les regardait et semblait les reconnaître. Je ne me rappelle pas ce qu'ils lui ont dit. Sans doute répéter son prénom, qui ils étaient là. Juliette, c'est papa. Juliette, c'est maman. Juliette, c'est Hélène. Et il pressait ses mains, il touchait son visage. Nous sommes restés un moment tous les quatre à son chevet. L'infirmière, ensuite, nous a dit que, dans l'après-midi, quand elle pouvait encore parler, elle avait demandé à voir ses filles, mais seulement après la fête de leur école, qui devait avoir lieu le lendemain matin. Les médecins pensaient pouvoir la maintenir jusque-là. À l'hôtel, cette nuit-là, Hélène était couchée contre moi, mais murée, hors d'atteinte, elle aussi. La chambre de ses parents était dans le même couloir, à 3 numéros de la nôtre. Ils ne s'étaient pas quittés, eux, ni les miens. Ils vieillissaient ensemble. Ils devaient être allongés sur leur lit, en silence. Peut-être se serraient-ils l'un contre l'autre. Peut-être pleuraient-ils tous les deux, tournés l'un vers l'autre. C'était la dernière nuit de leur enfant, ou l'avant-dernière. Elle avait 33 ans. Ils étaient venus là pour sa mort. Et les trois petites filles, à quelques kilomètres d'ici, est-ce qu'elles dormaient? Qu'est-ce qui se passait dans leur tête? Cela veut dire quoi, quand on a 7 ans, de savoir que sa mère est en train de mourir? Et quand on a 4 ans? 1 an? Une question de langage me tournait dans la tête. Je déteste qu'on emploie le mot « maman » autrement qu'au vocatif, et dans un cadre privé. Que même à 60 ans, on s'adresse ainsi à sa mère, très bien. Mais que passé l'école maternelle, on dise « la maman d'un tel » ou, comme Ségolène Royal, « les mamans », cela me répugne. Pourtant, même pour moi, celle qui allait mourir, ce n'était pas la mère d'Amélie, de Clara et de Diane, mais leur maman. Et ce mot que je n'aime pas, ce mot qui, depuis si longtemps, me rend triste, je ne dirais pas qu'il ne me rendait pas triste, mais j'avais envie de le prononcer. J'avais envie de dire, à voix basse, « maman », et de pleurer. Et d'être, pas consolé, non, mais bercé, juste bercé, et de m'endormir ainsi. Rosier, où habitaient Juliette, Patrice et leurs 3 filles, où habitent toujours Patrice et ses 3 filles, est un très petit village, sans commerce ni café, mais avec une église et une école autour desquelles se sont construits des lotissements. L'église doit dater de la fin du 19e siècle. Aucun des pavillons ne lui est contemporain, en sorte qu'on se demande à quoi pouvait ressembler le village autrefois, s'il a été habité par des paysans avant de l'être par de jeunes couples qui travaillent à Vienne ou à Lyon, et ont choisi de s'établir ici parce que ce n'est pas trop cher et bien pour les enfants. J'imaginais les filles partant après le petit déjeuner avec leur cartable sur le dos, les goûters, les visites d'une maison à l'autre, les bicyclettes pendues dans les garages au-dessus de l'établi et de la tondeuse à gazon. Cela manquait d'horizon, mais quand même c'était doux. J'ai été et je suis encore scénariste. Un de mes métiers consiste à construire des situations dramatiques, et une des règles de ce métier, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'outrance et du mélo. Je pense tout de même que je me serais interdit, dans une fiction, un tire-larme aussi éhonté que le montage parallèle des petites filles dansant et chantant à la fête de l'école, avec l'agonie de leur mère à l'hôpital. Quelques jours plus tôt, elles croyaient que leur mère serait là pour les voir. Quand on l'avait emmenée à l'hôpital, Patrice leur avait dit, sans doute l'espérait-il encore, qu'elle reviendrait à temps pour la fête. Puis que ce n'était pas sûr qu'elle revienne pour la fête, mais qu'elle reviendrait bientôt. Puis la veille qu'elle ne reviendrait plus. Ce qui rendait la chose encore plus déchirante, s'il est possible, c'est qu'elle était très bien cette fête. Les enfants avaient l'air heureux, équilibrés. Ils grandissaient à la campagne, dans un milieu familial protégé. On devait divorcer et se déchirer à Rosier comme partout, seulement on quittait alors Rosier, qui était vraiment un lieu pour famille unie. Un lieu où chaque enfant, de la scène où il chantait et dansait, pouvait chercher du regard sur les bancs de l'assistance son père et sa mère ensemble. Et il allait de soi qu'ils étaient ensemble. C'était la vie telle que la montrent les publicités des mutuelles ou des prêts bancaires. La vie où on se soucie du taux annuel du livret A et des dates de vacances dans la zone B. La vie au champ, la vie en survêtement. La vie moyenne en tout, dépourvue non seulement de style, mais de la conscience qu'on peut essayer de donner forme et style à sa vie. Je toisais cette vie de haut, je n'en aurais pas voulu. Il n'empêche que ce jour-là, je regardais les enfants. Je regardais leurs parents les filmer avec leur caméscope et je me disais que le choix de la vie à Rosier n'était pas seulement celui de la sécurité et du troupeau, mais de l'amour. Il y a eu après la kermesse un déjeuner dans le jardin, sous le grand catalpa. Il faisait très chaud, on entendait derrière les haies des enfants qui riaient et s'éclaboussaient dans les piscines gonflables. Clara et Amélie, sagement attablées, faisaient des dessins pour leur mère. Si la couleur dépassait du tracé, elle fronçait les sourcils et recommençait. Quand Diane s'est réveillée de sa sieste, Patrice et Cécile, l'autre sœur de Juliette, sont partis pour l'hôpital avec les 3 petites filles. Au moment de monter en voiture, Amélie s'est tournée vers l'église Elle a fait un furtif signe de croix et murmurait très vite « Faites que maman ne meure pas ». Notre tour, à Hélène et moi, est venu en fin d'après-midi. Prévoyant que j'aurais à conduire, j'avais pris soin la veille de mémoriser l'itinéraire et j'ai mis un point d'honneur à faire le trajet sans erreur ni hésitation. Je ne pouvais pas grand-chose, mais être un bon chauffeur, c'était déjà ça. Quand nous sommes entrés dans la chambre, Patrice était allongé sur le lit, à côté de Juliette, le bras passé sous son cou, le visage penché sur le sien. Elle avait perdu conscience, mais sa respiration restait oppressée. Pour laisser à Hélène un moment de tête-à-tête avec sa sœur, Patrice est sorti dans le couloir. J'ai regardé Hélène s'asseoir au bord du lit et prendre la main inerte de Juliette, puis lui caresser le visage. Du temps a passé. En ressortant de la chambre, elle a demandé à Patrice ce que disaient les médecins. Ils ont dit qu'elle allait mourir dans la nuit. Mais ils savent pas combien de temps ça va prendre. Maintenant, il faut qu'il l'aide. Patrice a hoché la tête et il est retourné dans la chambre. Le médecin de veille était un jeune homme chauve aux lunettes dorées, l'air précautionneux. « Vous devez vous douter, a dit Hélène, de ce que je viens vous demander. » Il a fait un petit signe qui était moins un oui qu'un encouragement à poursuivre, et Hélène, à qui les larmes montaient aux yeux, a poursuivi. Elle a demandé combien de temps cela pouvait encore durer. Le médecin a répété qu'on ne pouvait pas le dire, mais que c'était une question d'heure, pas de jour. Elle était entre deux eaux. « Il faut l'aider, maintenant, » a répété Hélène. Il a juste répondu « Nous avons commencé à le faire. » Dans la voiture, en revenant de l'hôpital, elle n'était pas certaine d'avoir été assez claire avec le médecin, ni que sa réponse l'était. J'ai essayé de la rassurer. De part ni d'autre, il n'y avait eu d'ambiguïté. Nous nous sommes arrêtés à Vienne pour racheter des cigarettes et prendre un verre à la terrasse d'un café sur l'avenue principale. Nous avons parlé de Patrice. Comment allait-il s'en tirer, seul avec ses trois filles, sans véritables ressources? Les bandes dessinées auxquelles il s'appliquait dans son atelier au sous-sol de la maison ne lui rapportaient pas grand-chose. C'était Juliette qui faisait vivre la famille avec son salaire de magistrat. Et déjà, même si les petites ne manquaient de rien, on sentait les fins de mois difficiles. L'assurance jouerait, bien sûr. Elle finirait de payer la maison. Et puis Patrice trouverait du travail. Plus tard, il se remarierait. Un garçon aussi beau, aussi gentil, trouverait forcément une femme gentille aussi. Il saurait l'aimer, comme il avait aimé Juliette. Il ne se complairait pas dans le deuil. Il n'y avait chez lui aucun penchant morbide. Cela viendrait. Inutile d'anticiper. Pour le moment, il était là. Il tenait dans ses bras sa femme en train de mourir, et quel que soit le temps qu'elle y mettrait, on pouvait être sûr qu'il la tiendrait jusqu'au bout. Que Juliette, dans ses bras, mourrait en sécurité. Rien ne me paraissait plus précieux que cette sécurité-là, cette certitude de pouvoir se reposer jusqu'au dernier instant dans les bras de quelqu'un qui vous aime entièrement. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 15 mètres carrés. J'ai sous les yeux quatre feuillets arrachés à un carnet à spirale et recouverts recto verso de notes prises en vue de décrire aussi précisément que possible la chambre 304 à l'hôtel du Midi de Pont-Évêque, Isère. Je devais participer à un livre collectif en hommage à mon ami Olivier Rollin, qui avait l'année précédente publié un roman décrivant minutieusement des chambres d'hôtel à travers le monde. À un moment de cette nuit interminable où nous attendions le coup de fil nous annonçant la mort de Juliette, j'ai, pour distraire Hélène, parlé de cette commande. Tu n'as qu'à décrire cette chambre aussi. On peut le faire là, maintenant. Ça nous occupera. J'ai pris mon carnet et nous nous sommes mis au travail. J'ai noté que la chambre, d'une superficie d'environ 15 mètres carrés, était entièrement tapissée, plafond compris, d'un papier peint en jaune. Ah non. Pas d'un papier peint jaune. Non, regarde. Après, nous sommes passés aux boiseries, Tour de porte, tour de fenêtre, plainte et tête de lit peintes, elles, dans un jaune plus soutenu. Appuyée sur le coude, je transcrivais en hâte ce que relevait Hélène, qui allait et venait maintenant dans la pièce, comptant les prises électriques, testant le va-et-vient comme dans l'éclairage, de plus en plus absorbée par son inventaire. J'en passe les détails, c'était une chambre banale dans un hôtel banal, quoique très bien tenue et très aimablement. L'aube est arrivée. Nous avions terminé notre inventaire et le téléphone n'avait pas sonné. L'idée que sa sœur flottait encore entre deux eaux épouvantait Hélène. Je n'en menais pas large non plus. Nous avons fermé les rideaux, tiré le drap sur nous, dormi mal, mais un peu, serrés l'un contre l'autre en cuillère. Le téléphone nous a réveillés à 9h. Juliette était morte à 4h du matin. Pour les heures qui venaient, le programme était déjà fixé. On devait repasser à Rosiers, puis aller à l'hôpital. Je crois que ses parents ont simplement dit « pour voir Juliette ». Pas pour lui rendre un dernier hommage, ni pour se recueillir devant sa dépouille. C'est une qualité qu'on doit reconnaître aux bourgeois à l'ancienne, de ne pas recourir à cette langue de bois et de dire qu'on est mort. Pas décédé ou parti. Après, on irait à Lyon pour rencontrer un collègue de Juliette. Un collègue de Juliette. Hélène et moi étions un peu étonnés. Oui, a expliqué Jacques, un collègue qui était juge avec elle au tribunal d'instance de Vienne. Lui aussi avait eu un cancer dans sa jeunesse et on l'avait amputé d'une jambe. Cette visite de condoléances à un magistrat unijambiste me paraissait un peu saugrenue, mais tout ce que j'avais à faire, c'était de suivre. La mère de Patrice, ce dimanche matin, avait conduit les filles aînées de Juliette devant l'armoire, pour choisir la robe que leur maman allait porter dans son cercueil. Et cette robe, nous l'avions apportée avec nous, pour qu'elle l'ait cet après-midi quand les petites viendraient. Le bénévole préposé à l'accueil des familles approuvait cette initiative. Et sur la lancée, il a dit que nous avions de la chance parce que le collègue qui allait bientôt le relayer était dans leur équipe le spécialiste incontesté du maquillage. Il ferait un travail très délicat et donnerait l'impression qu'elle était non pas maquillée, mais vivante. Quand nous sommes ressortis du salon mortuaire, le spécialiste venait d'arriver. Prévenu des réticences de la famille, il s'est employé à rassurer et il a demandé si quelqu'un parmi nous, une des sœurs peut-être, avait envie de l'aider, de maquiller la défunte avec lui. C'est un geste, a-t-il précisé, qui peut paraître difficile, mais qui peut aussi faire beaucoup de bien. Hélène et Cécile se sont regardées sans conviction. Ni l'une ni l'autre, finalement, n'a maquillé sa sœur. Je repense à ce spécialiste dont nous nous sommes un peu moqués dans la voiture, Antoine, Hélène et moi. C'était un type en bermuda rose, potelé, zézayant, qui, avec sa frange de cheveux teints, avait l'air de jouer un coiffeur homosexuel dans une pièce de boulevard. Et c'est seulement tout de suite, en écrivant, que je me demande ce qui pouvait le pousser à venir bénévolement, le dimanche, fardé des cadavres en guidant sur leur visage les doigts de leurs parents les plus proches. Peut-être tout simplement le goût de rendre service. C'est une motivation pour moi plus mystérieuse que la perversité. C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Candice Lartigue, Hélène, Pauline Moulaine, Juliette, Mathieu Létuvé, Patrice. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, François Christophe. D'autres vies que la mienne est paru aux éditions POL.